I'd like to review the instructions and complete what I didn't complete last night. J'aimerais terminer les instructions et compléter ce que je n'ai pas dit hier soir. Yesterday, we took the precepts. We undertook to keep our actions and speech pure. But as the mind is not yet pure, and we haven't yet developed knowledge of the true Dhamma, then it's not high level enough yet. So on top of sila, we undertake mental development, that is to develop the mind and to develop knowledge with meditation. Donc hier soir, on a pris des préceptes, ce qui fait que nos actes et nos paroles sont purs, mais notre esprit n'est toujours pas pur. Et par ailleurs, nous n'avons toujours pas développé la véritable connaissance du Dhamma. Il faut développer le mental afin de rendre l'esprit pur et de développer la connaissance. Un bon endroit pour faire cela, c'est un endroit calme, dans un environnement naturel et qui est relativement dégagé des distractions et des bruits humains. Afin de développer l'esprit et de développer la connaissance, il faut que le corps soit calme. Le Bouddha a recommandé de s'asseoir les jambes croisées, mais on peut aussi s'asseoir donc dans ce qu'on appelle le style birman, c'est-à-dire en mettant une jambe devant l'autre et non pas une jambe au-dessus de l'autre. Et de cette façon, on peut éviter beaucoup de douleurs aux chevilles, et ça permet aussi de garder une position stable pendant longtemps. Peut-être que certains doivent s'asseoir sur une chaise ou sur un banc, comme moi-même. C'est bien aussi, du moment que le dos reste droit et qu'on puisse garder une position stable pendant toute l'heure. La colonne vertébrale doit être droite, dans la mesure du possible, et la tête doit être en équilibre au sommet donc de la colonne vertébrale. Il faut éviter de pencher d'un côté ou de l'autre. Si on penche ou si on est plié, si la colonne vertébrale est penchée ou pliée, ça peut provoquer des douleurs parce que les muscles risquent d'être tendus. Si possible, il faut maintenir le dos dans un angle de 90 degrés par rapport au sol. On place ensuite l'attention sur l'abdomen. On peut prendre la métaphore d'un visiteur qui nous rend visite et qu'on veut saluer. On va aller vers lui et on va essayer de le rencontrer. C'est la même chose avec la respiration. On se rend là où elle se manifeste, là où elle peut être ressentie, et on la laisse aussi s'opérer naturellement, qu'elle soit rapide ou qu'elle soit lente. Peu importe, on la ressent telle qu'elle est. On peut dire qu'on la voit avec l'esprit, qu'on essaye de ressentir ce qui se produit. Et alors on essaye aussi de rester avec ce mouvement du début à la fin. De la même façon, lorsque l'abdomen descend, que l'air sort du corps, en quelque sorte l'abdomen s'effondre, on peut ressentir une forme de contraction, et on essaye aussi de ressentir ce mouvement du début à la fin. Alors lorsqu'on observe l'objet, ici la respiration, on fait une note mentale, un label qui aide à mieux observer l'objet, et on fait cette note mentale de la respiration, de la façon dont elle se présente. L'utilisation d'un nom, même si ce n'est qu'un label, qu'un nom, peut aider à ressentir mieux. Alors ainsi donc, quand on inspire, on fait une note mentale douce, soulèvement. Et lorsque l'air sort, au moment de l'expiration, on fait aussi une petite note mentale, abaissement. Afin d'être capable d'observer cela à chaque fois, il y a deux qualités mentales qui sont très utiles. Celle de l'effort mental, l'effort mental qui pousse l'esprit vers l'objet à chaque fois que l'abdomen se soulève. On a aussi besoin d'une autre qualité mentale qui est celle de viser, aiming en anglais. On veut que l'esprit soit présent du début à la fin du mouvement. On veut que l'esprit saisisse le soulèvement et l'abaissement. On ne veut pas seulement qu'il touche l'objet avec grâce à l'effort, on veut aussi que l'observation soit précise et que l'esprit se colle très exactement à l'objet. On peut comparer ces deux qualités mentales au jeu des fléchettes ou au tir à l'arc. Lorsqu'on lance des fléchettes ou qu'on tire à l'arc, on a besoin d'une part de suffisamment d'énergie, mais d'autre part, on a aussi besoin de viser pour que les fléchettes touchent la cible, ou du moins qu'elles soient à l'intérieur du panneau. Pour garder la même comparaison, même si en visant on ne parvient pas à toucher le cœur de la cible, malgré tout on gagne des points si on est dans les cercles autour du cœur de la cible. De même, lorsqu'on développe l'attention, même si ce n'est pas très précis au début, notre attention va s'améliorer graduellement et petit à petit, on va parvenir à la préciser. Pendant que nous tentons d'observer le soulèvement et l'abaissement, à chaque fois, il se peut que l'esprit parte ailleurs. L'esprit se rend là où il veut aller. Peut-être qu'il va retourner au bureau, peut-être qu'il va aller dans le passé, peut-être qu'il va aller dans le futur. Si cela se passe, il faut faire une note mentale. Aller, aller, se souvenir, planifier. Et après avoir fait cette note mentale, il faut revenir à l'objet primaire du soulèvement et de l'abaissement. Il est possible aussi que l'esprit se rende quelque part sans qu'on en prenne immédiatement conscience. Et puis, à un moment, on se retrouve en pensée en train de rencontrer quelqu'un. Si notre attention nous revient, on peut faire la note mentale à ce moment-là, rencontrer quelqu'un, et puis revenir à l'objet primaire. Si on ne s'en rend toujours pas compte à ce moment-là, qu'on continue à voyager en pensée, et qu'on se retrouve tout d'un coup à parler à quelqu'un, et puis on se rend compte tout d'un coup qu'on parle mentalement à quelqu'un, on peut faire la note mentale à ce moment-là, parler. Bref, quel que soit le stade auquel on est à nouveau attentif, au moment où on est attentif, on prend note de l'esprit tel qu'il est, sans chercher à le modifier, et puis on revient à l'objet primaire du soulèvement et de l'abaissement. Lorsque nous aurons été assis ainsi quelque temps, il est possible que des douleurs se fasse ressentir des désagréments, des endormissements, des chatouillements. Plusieurs choses peuvent se manifester et ces choses risquent donc d'emporter notre attention ailleurs, de l'enlever de l'abdomen. Il ne faut pas essayer à ce moment-là de se maintenir à tout prix sur l'abdomen. On peut observer la douleur et noter douleur, désagrément, endormissement, et ensuite revenir au mouvement de l'abdomen, de soulèvement et d'abaissement. Au cours de notre méditation assise, il se peut que d'autres objets se manifestent, par exemple des visions, ou bien des sons, ou bien des sensations olfactives, des odeurs, d'autres types de sensations, par exemple le toucher, ou bien la tension, ou bien la chaleur. Toutes ces choses doivent être notées telles qu'elles sont, telles qu'elles se produisent. Et par ailleurs, si rien de spécial ne se produit, on peut rester sur l'objet primaire de soulèvement et d'abaissement. Voilà en bref donc les instructions pour la méditation assise. Maintenant, en ce qui concerne la méditation en marche, comme je l'ai déjà dit précédemment, on porte l'attention sur la jambe. C'est là que se déroule l'action principale. À chaque pas, on applique les deux facteurs mentaux de l'effort et le facteur de viser l'objet, de aiming at the object. De cette façon, l'esprit va rester là, présent avec ce qui se passe. Lorsque nous nous rendons dans un endroit, on peut marcher à un rythme normal et observer à chaque fois pas droit, pas gauche, pas droit, pas gauche. Si on se déplace lentement, on peut observer deux segments dans chaque pas, lever, abaisser, lever, abaisser. Si on se déplace encore plus lentement, on peut observer même trois segments dans chaque pas, lever, avancer, abaisser, lever, avancer, abaisser. Lorsqu'on pratique la méditation en marche, il faut qu'on choisisse, par exemple, une piste de 15 à 20 pas. Il ne faut pas qu'on se déplace au hasard ici et là. Lorsqu'on commence la méditation en marche, il faut d'abord qu'on marche à une allure normale et qu'on note seulement pas droit, pas gauche, pas droit, pas gauche, sans plus. Et on peut faire ça pendant 30 minutes, par exemple, jusqu'au moment où on pourra noter sans difficulté. Ensuite, quand on sera arrivé à ce stade, on pourra commencer à noter deux segments pour chaque pas. Lever, abaisser, lever, abaisser. Donc, pour aujourd'hui et pour demain, en tout cas pour ceux pour qui la méditation est quelque chose de nouveau, il vaut mieux se limiter à ces deux segments. Nous devons bien comprendre que peu importe qu'on marche vite ou qu'on marche lentement, ou peu importe le nombre de segments qu'on note, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que l'esprit soit présent à l'action qu'on est en train de faire, quelle qu'elle soit. Et lorsqu'on arrive au bout de la piste de marche qu'on aura choisie, on s'arrête et on observe quelques instants la posture debout, en faisant une note mentale, debout, debout. À ce moment-là, on observe l'entièreté du corps. Ensuite, on se retourne et en se retournant, on fait une note mentale aussi et on observe la totalité du corps. On essaye de ressentir le corps entier. Et après s'être tourné ainsi, on marche à nouveau dans l'autre sens, le long de la même piste de marche qu'on a choisie. Et à ce moment-là, on porte l'attention sur les jambes uniquement, pas sur le reste du corps, uniquement sur les jambes parce que c'est là que se déroule l'action. Donc on ne devrait manquer aucun pas. On devrait observer tous les pas. Chaque fois qu'il y a déplacement, notre attention devrait être présente avec les pas. Voilà donc les instructions pour la méditation assise et pour la méditation en marche. En outre, il y a aussi les activités quotidiennes. Par exemple, lorsqu'on se lève après avoir été assis en méditation, ou bien lorsqu'on s'apprête à s'asseoir à nouveau après avoir pratiqué la méditation en marche, ou encore lorsqu'on étend le bras, lorsqu'on cherche à atteindre quelque chose, lorsqu'on se penche, lorsqu'on regarde quelque chose, lorsqu'on s'habille, lorsqu'on se nettoie le visage le matin, lorsqu'on fait son lit, toutes les actions, même jusqu'aux plus infimes, comme par exemple cligner des yeux, il faut essayer de rester attentif à ces actions, d'être toujours conscient de ce qu'on fait, de la façon la plus continue qui soit, autant que possible. Lorsqu'on remarque que nous ne sommes plus présents à ce qui se passe, que nous ne ressentons plus notre corps, il faut revenir à la prise de notes, il faut essayer à nouveau de ressentir le corps. Et ce n'est pas important, en fait, le nombre de fois qu'on est obligé de faire cela. Ce qui est important, c'est que, aussitôt qu'on s'en rend compte, aussitôt qu'on remarque qu'on ne sait plus ce qu'on est en train de faire, ou qu'on n'est plus en train de ressentir le corps, il faut revenir et reprendre la prise de notes. Si on fait cela bien, ça va nous aider grandement pour la méditation assise et la méditation en marche. Voilà, en un mot, mis à part le moment où on dort, il faudrait que l'attention soit toujours présente. Si on regarde la journée du méditant, on peut dire qu'elle se divise en trois parties. La méditation assise, la méditation en marche et des activités générales. Le méditant ne doit prendre soin que de ces trois choses. En fait, ce n'est pas grand-chose. Si nous pouvions être attentifs à ces trois choses seulement, ce serait déjà très bien. So now let's sit until the end of the hour. À présent, méditons jusqu'à la fin de l'heure. Pour les 5 minutes qui restent de cette séance, faites redoubler d'efforts pour rester éveillé et attentif au soulèvement et à l'abaissement de l'abdomen. Si vous êtes vraiment très somnolent, vous pouvez toujours ouvrir les yeux et regarder la lumière. Ça va réveiller votre esprit et le rafraîchir. Lorsque votre esprit sera à nouveau rafraîchi, fermez à nouveau les yeux et reprenez votre observation du soulèvement et de l'abaissement de l'abdomen. When your mind feels fresh again, then close your eyes again and go back to trying to observe the rising and the falling of the abdomen.